Chapitre 47e, vers la liberté. Puis il ajouta, après avoir étudié pendant quelques instants le clou que lui montrait le valet de chambre, « Oui, c'est bien un outil de l'invention de Paulin Broquet. Ces clous, mis devant une porte, sont les meilleurs gardiens qui existent, le plus sûr moyen d'écarter les indiscrets, les cambrioleurs. » Il conclut. Donc, il est évident que l'accordeur de piano était Paulin Broquet. Ainsi, Madame Garitza était en relation fréquente avec Paulin Broquet. Il est probable que le détective ignore que je connais maintenant la valeur des documents que me livrait Madame Garitza. Il a dû lui fournir ceux qu'elle me livrera ces jours-ci comme si elle se les procurait chez son colonel. Trop tard maintenant. Ce soir, Madame Garitza sera exécutée. Zigomar, cependant, tout aussi soigneusement que Paulin Broquet, préparait ses coups. Il eut le soin de laisser voir à Gabriel, placé en observation aux environs de la demeure du colonel de Fongrive, que ses hommes travaillaient, qu'il préparait un coup par là pour mettre Paulin Broquet en éveil et détourner son attention de Madame Garitza. Paulin Broquet, connaissant le résultat peu rémunérateur des documents communiqués à l'Allemagne, s'imagina, d'ailleurs avec logique, que Zigomar voudrait prendre sa revanche et aller lui-même voir pourquoi Madame Garitza ne pouvait lui fournir que des pièces pareilles. Donc, quand Gabriel le mit au courant de ses remarques, pas un instant il ne se douta des intentions de Zigomar. Il prépare alors une souricière dans laquelle devait tomber Zigomar s'il tentait de s'introduire chez le colonel de Fongrive. Mais néanmoins, il fit garder par l'amorce Madame Garitza. L'amorce put donc voir, après une soirée passée dans un concert de musique savante, le colonel reconduire chez elle Madame Garitza et lui souhaiter le bonsoir à sa porte. « Bon, » se dit l'amorce, « nous voici rassurés de ce côté. » De la journée, il n'avait vu personne de suspect pénétrer dans la maison, tout lui semblait tranquille et sûr de ce côté. Il alla prêter son concours à son chef et contribua à la réussite de la souricière préparée, laissant seulement un homme de la brigade en surveillance sous les croisées de Madame Garitza. Or, pendant que l'amorce s'éloignait tout tranquille, et pendant que Madame Garitza allait se mettre très simplement, très paisiblement au lit, le maître attendait dans le salon le retour de la jeune femme. Pendant que Paulin Broquet, ses lieutenants, se tenaient aux aguets autour de la demeure du colonel de Fongrive, qu'ils s'énervaient, malgré leur entraînement à la patience, dans une attente vaine, une scène poignante, des plus dramatiques, avait lieu dans le salon où le matin Paulin Broquet était venu. Zigomar, à qui la bonne, quand sa maîtresse fut partie, avait ouvert la porte, avant de remonter elle-même dans sa chambre, Zigomar attendait tranquillement Madame Garitza dans l'obscurité du salon. Il avait pris ses précautions pour que maintenant personne ne pût entrer dans l'appartement sans lui donner l'alarme, et il s'était étendu sur le canapé en attendant celle qu'il avait condamnée à mort et qu'il allait sous peu exécuter. Et tranquillement, il sommeillait. Madame Garitza, en entrant chez elle, le tira de sa béatitude. Zigomar avait le don précieux de recouvrer ses esprits en même temps qu'il s'éveillait. Il se souvenait, il savait immédiatement où il se trouvait, ce qu'il devait faire. Donc, en s'éveillant, il se garda bien de faire le moindre mouvement qui eût pu donner l'alarme à la jeune femme, signaler sa présence dans le salon. Ce ne fut que quand Madame Garitza eut derrière elle refermé la porte d'entrée, quand elle fut, toute confiante, toute rassurée, entrée chez elle, que Zigomar se leva et alla se placer derrière la tenture japonaise qui, nous l'avons vu, avait servi à Paulin Broquet pour se dissimuler. Madame Garitza approcha de cette porte. Dans le corridor, elle tourna le bouton électrique et donna de la lumière. Puis, elle ouvrit la porte et passa devant Zigomar, que la tenture japonaise masquait, sans se douter aucunement de sa présence. Une fois dans le salon, Madame Garitza vivement se débarrassa de son chapeau qu'elle déposa sur le canapé où tout à l'heure, si paisiblement, reposait Zigomar. Et enlevant précipitamment ses gants, elle attira à elle une petite valise de cuir qui se trouvait dans l'angle de la cheminée. Elle posa cette petite valise, un grand sac carré plutôt, muni de poignées pour le porter à la main, sur une chaise. Elle l'ouvrit, et passant dans sa chambre à coucher, elle alla chercher divers objets de toilette qu'elle empila dans la valise. Puis, toujours promptement, un peu nerveusement, elle ouvrit un petit secrétaire Louis XV qui se trouvait entre les deux croisées et dans le tiroir prit des documents, des papiers, divers objets qu'elle déposa également dans la valise. Faisant cela fébrilement, elle avait dans les yeux une flamme et sur ses lèvres flottait un sourire de contentement extrême. C'était sa dernière nuit passée dans cette maison. La dernière nuit où elle serait sous la dépendance de Zigomar. Demain, oui, demain elle serait à l'abri, en toute sûreté, chez Miss Eden et chez Paulin Broquet. Madame Garitza souriait à ce bonheur. Elle mettait dans cette petite valise qu'elle pouvait facilement prendre à la main les choses auxquelles elle tenait, les objets qu'elle voulait emporter. Elle faisait cela sous les yeux de Zygomar. La valise était à peu près pleine maintenant. Avant de la fermer, Madame Garitsa jeta autour d'elle un regard. « Est-ce que je n'oublie rien ? » dit-elle. « Ai-je tout ce que je voudrais emporter ?» Elle s'écria. « Ah non, j'oublie encore, c'est dans ma chambre. » Elle sortit joyeusement, courant presque. Quand elle revint, heureuse, souriante, avec le dernier objet qu'elle allait emporter, devant sa valise, Zygomar se tenait. Madame Garitsa, à cette apparition inattendue, eut le pressentiment qu'elle était perdue. Il lui sembla que l'aile de la mort venait de la frôler. Elle faillit tomber à terre de saisissement. Mais par un effort violent de volonté, elle se maîtrisa. Elle espérait ne pas laisser voir son trouble au maître, lui donner le change, sauver la situation. Mais Zygomar la regardait en souriant. « Vous allez donc en voyage, ma chère amie ?» lui dit-il. Madame Garitsa, à son tour, essaya de sourire. « En voyage, pas précisément. En excursion, tout simplement. Plus exactement, en partie de plaisir. Avec le colonel de Fongrive ? Avec qui voulez-vous que ce soit ? En effet, puisque maintenant vous êtes fidèle. » Zygomar, alors, décidé à brusquer les choses, dit « Sans doute le colonel vous emmène dans quelques villes, dans quelques forts où l'on fait de nouveaux essais d'artillerie, je le crois. Bien, c'est heureux. Dans ce cas, ma chère amie, vous allez pouvoir nous donner de bons documents, je l'espère. Ce sera heureux, car ceux que jusqu'à présent vous m'avez remis ne valent rien. » Madame Garitsa sursauta. « Ils ne valent rien. Comment cela ? Pourquoi ne valent-ils rien ?»« Parce qu'ils n'ont aucune valeur, voilà tout, » répliqua Zygomar. « Parce que ce sont des documents depuis longtemps connus à l'étranger. »« Cependant, » répondit Madame Garitsa, « selon vos recommandations, je les prends dans les dossiers du colonel, dans les papiers qu'il apporte chez lui pour travailler au rapport du détonateur Rimaelo. »« C'est vrai, oui, c'est vrai. »« Vous les prenez bien parmi les papiers du colonel, et ce sont des documents qui ont rapport au DR, oui, c'est exact. » Mais ce sont des documents qu'on place là exprès, pour que vous les preniez, pour que vous me les remettiez. » Madame Garitsa devint très pâle. « Pouvez-vous imaginer cela ? » fit-elle. Zygomar prit un temps et dit « Je vois, ma chère amie, que nous ne nous entendons pas très bien. Peut-être nous faudra-t-il un accordeur, comme celui qui remit votre piano au ton, pour que nous puissions parler sans fausse note. » L'ironie cruelle de cette phrase ne pouvait échapper à Madame Garitsa. Elle devait lui faire entendre que Zygomar savait tout. Et maintenant, après le court moment d'espoir où elle croyait avoir détourné les soupçons que faisait naître la balise, elle comprenait qu'elle était réellement perdue. « Maître, supplia-t-elle, pardon. Pourquoi pardon ? Parce qu'il m'a été impossible de mieux faire. Vraiment ? Je vous ai livré les documents que je pouvais me procurer, je vous le jure. Je vous ai obéi. Vous me dites maintenant que ces pièces ne valent rien. » Je suis incapable, en les prenant, de discerner la valeur exacte des papiers que je dérobais. « Je comprends, » fit Zygomar en souriant. « Oui, je comprends très bien cela. Vous n'êtes pas militaire et vous n'avez pas le flair d'un artilleur. » Quand je voyais le nom de Rimaelo sur des documents, je les prenais. « C'est cela, oui, c'est cela. D'ailleurs, tous ces documents faisaient partie de la même série. Il m'a semblé, en effet. Je crois même qu'ils portaient tous une petite marque spéciale, une croix au crayon bleu dans un coin. Oui, c'est vrai. » C'est même cela qui me poussait à les prendre de préférence. Exclusivement, plutôt. Rien que ceux marqués de cette croix. Oui. Mais en les prenant, vous saviez certainement que ce signe avait été tracé pour que vous les preniez. Madame Garitsa blêmit. Zygomar poursuivit rapidement. Ce signe, vous le saviez, c'était entendu entre vous. Ce signe était tracé par Paulin Broquet.